règne de génération en génération. C'est celui que nous voulons adorer ce soir. Celui que nous voulons élever, bien-aimé. Parce qu'il est le maître de toutes choses. En signe de reconnaissance de sa grandeur infinie. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix en connaissance, Jésus. Qui peut faire comme toi, Seigneur Dieu? Qui peut te mesurer, Shama? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Shangilia vizuri tena Bwana. Bien-aimé, avant de passer à la parole de ce soir, je voulais vous présenter un bien-aimé qui est parmi nous. Wapendwa kabla kupita kuneno za jioni za leo napenda kumtambulisha mpendwa mmoja katikati yetu. C'est un chantre de l'Éternel. Anakuwa ni mwimbaji wa Bwana. Et nous sommes heureux de le voir parmi nous ce soir. Na tunakuwa katika furaha kumuona tena katikati yetu. Et quand nous demandons aux frères grâce de se tenir debout, nous acclamons pour le Seigneur. Merci, merci bien-aimé. Asante mpendwa. Avant de nous introduire, je voulais même 5 minutes parce que nous pouvons adorer le Seigneur. Pendant qu'il s'approche, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, l'adoration, c'est un moment très important devant Dieu. Alors c'est un moment de communion avec le Seigneur notre Dieu. J'aimerais dans ces 3 minutes que tu puisses dire à Dieu un mot. J'aimerais pendant ce temps que tu expliques à Dieu qui il est réellement. Il y a de ceux qui l'ont nommé Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. En multiples langues, il y a des paroles qu'on peut donner à Dieu. Ce soir, comment tu peux adorer Dieu? J'ai besoin de quelqu'un qui va adorer Dieu comme il n'a jamais adoré. Pendant 3 minutes, dis quelque chose à Dieu. Pendant qu'on nous chante par le bien-aimé. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un lève sa voix en train d'adorer Dieu? L'adoration ne dépend pas d'un chant, ça ne dépend pas de tout ce que nous pouvons faire maintenant. Ça dépend de la soif que tu as pour adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'exprimer la reconnaissance de son cœur? Seigneur, nous venons dans ta présence, oh Dieu, pour t'élever, toi le Dieu qui mérite nos louanges, toi le Dieu qui mérite nos cœurs, oh Dieu. Laissez ton aura plus soif. Nous venons à toi. Est-ce que quelqu'un s'approche à celui qui a les paroles? Yonde, yonde, sana malo. La source d'eau qui ne tarit jamais. Yeah. Le chant de mon cœur t'appartient. On sent pas qu'à ton âme. Et que tu les mets sous paille. C'est pas dit à la mana. Ça m'a dit qu'à moi. Si que il se montre, le désarm a dit à moi, si calme et faux maman, ça m'a dit à moi, ça m'a dit à moi, et ça m'a dit à moi, quand le ciel est ouvert, c'est parce qu'il descend dans sa gloire. Que mi monisina tombali oli sous laisse ton ciel ouvert le faux mama arama hasuka payama zamba bika mo tere ma yesu azika lo ciel ouvert. Si calola na ye fongwa, Zamba bika mwa mimonisa. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le roi. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le roi de rois. Alléluia. Amen. Adorer le Seigneur, c'est ça notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons adorer Dieu. Il n'est pas toujours bon entrer en prière, commencer à demander. Mais nous pouvons adorer Dieu et il nous donne tout ce que nous voulons. Amen. Amina. Nous voulons bénir l'Éternel notre Dieu ce soir. Tunapenda kubariki Bwana Mungu wetu jioni hii. Pour la vie. Kwa ajili ya uzima. Qu'il nous accorde. Ile ambayo anaweza kutupa. Bien-aimé. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Mupendwa kulala na kulamuka aina zoezo. Mais si nous sommes devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Na kama tu tunasimama mbele zenu ni kwa neema ya Mungu. Voilà pourquoi nous rendons grâce infiniment grâce à notre Dieu. Hivi tunarudisha tena shukrani kwa Mungu wetu. Pour tout ce qu'il continue à faire pour nos vies. Kwa yote tena kunaendelea kufanya ndani ya maisha yetu. Je voulais aussi remercier le couple pastoral. Napenda tena kusalimia hapa Josia pastori. Papa Désiré et maman Elvire de là où ils sont. Papa Désiré na mama Elvire face aux autres wanachikuta. Nous témoignons notre reconnaissance pour cette confiance que vous nous accordez. Na tunashuhudia tena wetu kwa yote wanaweza kutukabilia kama tumaini. Je voulais dire merci aux anciens, aux diacres de l'église. Nilipenda tena kusema asante kwa wazee na washemasi wa kanisa. Pour vos soutiens, vos conseils. Kwa yote unakuwa unafanya tena na mashauri. Et par la même occasion, je voulais te bénir aussi ce soir. Kwa njia mwamoni napenda tena kubariki nawe jioni hii. Parce que sans ta présence en ce lieu, on ne pouvait se tenir devant vous. Kwa sababu tu kwasipo uwepo wako jioni hatukuweza kusimama. Alors voilà pourquoi de tout mon cœur, je voulais dire que Dieu vous bénisse. Ndio hivi kwa moyo wetu wote tunasema Mungu amibariki. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Kuna mmoja anaweza kusema la chorale que Dieu vous bénisse. Kwa Mungu amibariki. Amen. Amina. Nous avons passé des moments merveilleux avec notre Père. La semaine passée, il nous a parlé de 10 choses. 10 choses dans la vie de Gédéon. Et le dimanche, il nous a parlé de 10 choses que Dieu restitue à l'homme. Alors, aujourd'hui, nous voulons prendre juste un point de ce que notre Père nous a donné pour que nous puissions partager. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, le deuxième verset au sixième. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, et il marchait contre lui. C'est ça notre verset de base. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient. Nous voulons parler, ajouter quelque chose sur le point qui concerne le travail. Nous allons parler des choses qui combattent le travail. Nous allons parler de ce que le travail procure et ce qu'il ne faut pas faire quand vous avez un travail. Je me répète, ce qui combat le travail, ce que procure le travail, et ce qu'il ne faut pas faire quand on a un travail. Amen. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Israël travaillait. Israël tournait la terre. Mais Madian, observant ce qu'Israël faisait, il venait camper pour prendre tout ce qu'il pouvait donner, leurs semences. Bien-aimé dans le Seigneur, Madian ne venait pas aussi seul. Parce que selon l'histoire, nous pouvons penser qu'il n'y a qu'une chose qui combattait Israël quand il s'aimait. Il y avait plusieurs choses. Il y avait Madian, il y avait Amalek, et il y avait aussi les fils de l'Orient. Il ne venait pas seul, Madian. Il venait en grand nombre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu travailles, il y a plusieurs combats. Il y a plusieurs choses qui peuvent combattre ton travail. Vous allez voir quelqu'un qui commence le travail, mais la maladie devient un problème. Tu as peiné pour trouver le travail, mais quand tu as le travail, on te déclare inapte. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine maladie qui a attaqué ton corps. Il y a une certaine situation qui t'a envahi et tu ne sais plus exercer bien le travail. La maladie, c'est une œuvre du diable. On nous a parlé la semaine passée. La santé, c'est une promesse de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? Pour arriver à tuer un homme, il cherche une raison. La raison sera quoi? La maladie. Et on va dire pourquoi il est mort. On ne dira pas pourquoi nous l'avons tué. Mais on va dire de quoi est-il mort? La maladie. Donc la maladie, c'est juste une justification du monde des ténèbres pour enlever les enfants de Dieu dans leur jouissance terrestre. Le travail aujourd'hui parmi ceux qui combattent le travail, la maladie. La deuxième des choses, bien aimé qui combat la maladie, le travail, c'est la paresse. Beaucoup, bien aimés, ont cherché du travail. Mais quand ils ont eu le travail, il a le premier salaire, le deuxième salaire, le troisième salaire, et au fur et à mesure qu'il évolue, il oublie comment il a marché, comment il a prié, comment il a marché. Il a fait des tests, il a déposé des documents pour avoir le travail. Alléluia. Et c'est le premier. Il va se réveiller en retard pour aller au travail. Il va se réveiller en retard pour arriver à son travail. Et ce sont des rapports qui vont s'accumuler à son travail. Et il va perdre le travail. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé, qu'est-ce qui combat le travail? Je voulais rappeler ce point parce qu'on nous a donné ce point la semaine passée. Le manque de prémices, des dîmes et des offrandes. Bien-aimé, quand Dieu institue le travail, il exige à l'homme de faire certaines choses pour savoir comment garder ce travail. Mais beaucoup de gens voient leur travail s'arrêter par manque d'exécution de ces règles. Bien-aimé, le travail marche selon des règles. Tu as un travail, le produit de ce travail, tu honores Dieu et tu continues le travail. Mais quand tu n'honores pas Dieu dans ton travail, bien aimé, tu mets ton travail en péril. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le manque des prémices, des dîmes et des offrandes Ce sont des points de foi que nous négligeons. J'ai prié, j'ai cherché le travail. Mais quand Dieu me donne le travail, j'oublie même celui qui m'a donné ce travail. Et qui va le sécuriser? Alléluia. Amina. Israël. Israël. Israël. Israël. Quand vous lisez très bien ce verset, quand vous commencez le premier, on peut nous mettre le premier verset du sixième chapitre. Nous allons tous comprendre. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc il y a de ces choses que nous ne devons pas nous permettre de faire. C'est pour cela chaque fois qu'ils pouvaient travailler, chaque fois qu'ils pouvaient travailler, Matthias était là. Il y a quelqu'un. Quand il travaille, soit c'est la maladie, ou bien quand la maladie n'est pas là, c'est peut-être on vient cambrioler toute la boutique. Si ce n'est pas ça, on a volé tout l'argent du capital. Si ce n'est pas ça, tout son commerce va chuter. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a que des pertes et des pertes. Ce qui combat le travail, ce n'est pas seulement Madian, mais il y a aussi Amalek. Il y a aussi les fils de l'Orient. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que ces choses ne sont pas des choses à négliger. Quand tu as un travail, regarde le dixième de Dieu. Regarde le prémisse. Regarde ce que tu offres. Tu as un travail. Je te donne un travail. Tu gagnes $100. Regarde ce que tu peux donner à Dieu. Et celui qui gagne $1,000, il ne peut pas donner comme celui qui gagne $100. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans le livre des psaumes, on parle de l'Égypte. Quand Dieu frappe l'Égypte, la Bible dit, il livre leur récolte aux sauterelles et les produits de leur travail. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé et il est là, il attend que quelque chose de bon soit récolté. Mais ce sont des sauterelles. La Bible dit, Madian pouvait venir en plus grand nombre comme des sauterelles. Mais si nous pouvons mettre le verset 5. Le cinquième verset. Ils venaient comme des sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Et ils venaient avec un objectif. Bien aimé, si tu dors, eux viennent c'est pour ravager. Il venait dans le pays pour les ravager. C'est-à-dire quand ils ont signé pour attaquer ton travail, bien-aimé, c'est pour les détruire. Alors je te prie, bien-aimé, de ne pas négliger ces choses, de prendre au sérieux le travail que tu as, de prendre au sérieux ce que tu fais. Bien-aimé, le travail c'est quoi? C'est ce que Dieu a recommandé. Quand nous allons dans les livres de Genèse, on va nous mettre Genèse chapitre 3, verset 16-17. Matthieu 17. Regardez. La Bible dit. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Suivez le dernier paragraphe. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture et tous les jours de ta vie. L'homme ne peut vivre que sur base du travail. Parce que tous les jours de sa vie, pour tirer la nourriture, c'est à base du travail. Maintenant, si tu te réveilles le matin, tu croises les bras jusqu'au soir, bien-aimé, il n'y aura rien. Ça veut dire si la vie, si toute ma vie est conditionnée par le travail, pour que je vive, il faut que je travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tous les jours tu mangeras à la sueur de ton front, ça veut dire tous les jours, je dois travailler. Et si je ne travaille pas, c'est un jour de moins de vie. Parce que je n'ai pas travaillé. Donc, nous devons travailler. Le deuxième point, qu'est-ce que le travail procure? Qu'est-ce que le travail peut procurer à l'homme? La première des choses, le bien-être. On peut nous mettre Ecclésias chapitre 5, verset 17. Le bien-être. Ecclésias 5, 17 dit ceci. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle. De manger et de boire. De jouir du bien-être. Au milieu de tout. Travail. Ça veut dire, tu ne peux pas travailler et être malheureux. Alléluia. Amen. Le travail, tu ne peux pas le faire et être malheureux. Ça veut dire, quand tu es en train de cultiver, il y a plus de peine. Mais quand tu vas récolter, tu vas oublier même les peines. Et ça va te procurer le bien-être. Et quand on parle du bien-être, nous voyons la bonne santé, nous voyons l'abri, nous voyons la nourriture, nous voyons le manger, le boire, ça veut dire la joie. Donc, le travail procure le bien-être. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être des gens. Je travaille pour que moi-même je n'en jouisse pas. Mais quelqu'un d'autre puisse en jouir après. Non, non, le travail c'est pour mon bien-être d'abord. Alléluia. Amen. Le livre d'Esaïe dit quoi? Dieu préfère que nous bâtissons des maisons Pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions y habiter. Dieu n'aime pas que tu bâtisses une maison et que quelqu'un d'autre lui puisse venir y habiter. Non, non, le plan de Dieu, c'est que nous puissions jouir de ce que nous faisons comme travail. On peut chercher Esaïe, le verset, le chapitre 65, hein? Esaïe 65, le verset, je crois, 21. Voilà. Le verset 21. La Bible, Esaïe 65, 21. Oui. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ça veut dire ton travail doit d'abord te procurer à toi le bénéfice. Maintenant, suivez la suite. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Alléluia. Amina. Le travail Kazi. Procure la nourriture, Ikona leta chakula. Le boire et le manger. Ikona leta chakunya na yakula. Le travail Kazi. Procure l'abri. Ikona leta ukingo. Ça veut dire une couverture, une protection. Ukingo quelqu'un qui travaille, il ne dort pas sur la route. Vous verrez chaque fois quand quelqu'un commence le travail, mara mingi wakati mtu anaanza kazi, la première des choses, kitu kya kwanza, c'est qu'il cherche un loyer. Il cherche une maison. Anatafuta nyumba. Avant qu'il puisse se marier, n'est-ce pas? Le travail procure l'abri. Alléluia. Amina. Le travail procure l'indépendance. Ça veut dire le travail procure la richesse et l'abondance. Vous ne verrez nulle part quelqu'un du coup devenir riche abondamment. Une richesse abondante. Non, il commence. Il travaille. Il monte le capital. Il devient. Il a 10 000 dollars, il monte, il a 50 000 dollars, il monte, il a 100 000 dollars, et tout n'a choutouka millionnaire. Et on va s'étonner, il devient millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Il ne va pas croiser les bras. Et puis après on lui dit tu es devenu millionnaire. Non. Bien aimé, pour être indépendant dans la vie, pour ne pas être dépendant aux autres, nous devons travailler. Travailler, ce n'est pas seulement la banque. Travailler, tu peux travailler toi-même. Aujourd'hui, notre mentalité est poussée toujours à faire une lettre de demande d'emploi. Or, nous pouvons aussi créer le travail et que d'autres puissent écrire les demandes d'emploi. Au Nigeria, il y a un grand homme d'affaires. Papa, il a commencé comment? Il achète les spaghettis. Il prépare. Il fait une bonne sauce, il met dans des petites boîtes. À la récréation, il va dans des écoles. On vend. Il a commencé d'abord lui-même. Après, il a engagé deux personnes. Il commençait à aller. Il vient lui faire rapport. Après, il a raisonné. Il a dit non, moi-même, je peux faire ma pâte. Produire ma propre pâte. Et je vais encore gagner plus de bénéfices. Aujourd'hui, vous allez voir même, je pense que beaucoup ont déjà vu, le sachet comme le sachet de chips. Mais dedans, c'est des spaghettis. Il faut juste avoir de l'eau chaude. Tu as de l'eau chaude, tu verses ça, tu remues. Directement, c'est la nourriture pour manger. Et c'est acheté partout dans le monde. Et c'est livré partout dans le monde. Mais il a commencé où? Par le travail. Il a travaillé. Et aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Bien aimé, il n'est pas dit que nous devons toujours faire des demandes d'emploi pour aller travailler quelque part. Peut-être c'est toi le PDG de demain d'une entreprise. Mais tu es dans une entreprise en train de faire des rapports et autres. Il y a des centaines de personnes qui attendent que tu crées ce travail-là pour ton développement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le travail procure l'indépendance, la richesse et l'abondance. Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe 14, 23. La Bible dit: tout travail procure l'abondance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Vous êtes trop froid. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? La Bible dit, ne dit pas le travail. La Bible ne dit pas le travail procure. Mais la Bible dit, tout travail ça veut dire je ne dois pas faire le travail du frère David pour avoir l'abondance, mais tout travail que je peux faire procure les bénéfices. Dans le travail, il y a ce principe-là de bénéfices. C'est-à-dire, quand je travaille, c'est pour gagner plus. Et l'abondance n'est pas l'abondance du monde. Quand Christ dit, le diable ne vient que pour dérober, pour tuer et détruire. Mais moi, je viens procurer la vie et la vie en abondance. Ça veut dire, c'est une vie garantie. Ce n'est pas une vie destructive. C'est-à-dire, on ne peut pas détruire, on ne peut pas toucher. Quand Christ donne la vie, c'est une vie parfaite. C'est une vie infaillible. Ça veut dire quand il y a de l'abondance dans ton travail, c'est compliqué si tu es en Christ que cela tombe en faillite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le travail procure l'abondance. Vous allez comprendre. Il y a des gens qui travaillent. Le travail peut être petit qu'il soit. Mais quand on te raconte que c'est par ce travail, que les enfants sont à l'université, par ce travail-là, les gens ont fini les études, par ce travail-là, il y a eu des mariages glorieux. C'est ça l'abondance de Dieu. Donc, le travail dans le Seigneur procure l'abondance. Alléluia. Amen. Le travail procure le couronnement. Le travail procure le couronnement. Vous savez, dans le domaine d'athlétisme, celui qui ne court pas, il n'est pas couronné. Dans la compétition, il n'y a pas de couronnement si tu ne cours pas. Dans le travail, nous pouvons avoir le même domaine. Je travaille. Ça veut dire, moi je fais le beignet chaque matin. Toi aussi tu fais le beignet. C'est le même travail. Mais mon travail est couronné. Mon travail a des résultats. Pourquoi? Parce que je suis bâti sur les bases de l'Éternel. C'est un travail qui couronne. Vous savez, nous pouvons être enfants de Dieu. Et tous nous vendons les arachides. Mais si toi tu mets les arachides, vous voyez le système où il y a de... Tu marches avec et tu mets quelqu'un... Hey, Kalanga, tu mets, tu vends. Mais tu vois aussi un autre. Il a pris les mêmes arachides. Il a arrangé un très bon sachet. Il a mis les arachides dedans. Et c'est bien fermé. Le même prix. La même valeur. Mais l'autre sera couronné. Ça veut dire, dans le travail, il y a le couronnement. Quand on tourne la tête, donc l'athlète, quand il ne s'entraîne pas, il vient pour compétir, il n'aura pas la couronne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons des fois des armes dans la Bible, des versets qui nous disent des choses vraies. Peut-être que les gens du monde des ténèbres cherchent. Il y a des choses qui, quand ça t'arrive, c'est comme une lumière. Et quand tu agis, tu es béni. Alléluia. Amen. Un travail est fait pour être couronné. Non, il ne faut pas commencer un travail. Et après, tu dis non, tu vois, j'avais pris l'argent, je suis allé dans les champs, quand j'ai mis et puis tout, j'ai tout perdu. Non. Non. Non. Ça dit, le travail a aussi ses principes. Que nous devons respecter. Il n'a pas tout. Bien aimé, je vais aller rapidement parce que nous allons prier. Ce qu'il ne faut pas faire. Il est à toi ce qu'on. Quand nous avons un travail. Wakati tunakuwa kazi. Ce que nous ne devons pas faire. Il est à tous ta weza kufanya. Quand nous avons un travail. Wakati tunakuwa kazi. Vous savez, quand Madian arrivait, quand Madian, Amalek et le fils d'Oria attaquaient Israël, qu'est-ce qu'Israël faisait? Il fuyait. Alléluia. Amen. Et ils ont semé. Mais quand les autres venaient, lakini wakati wengine wanaanza kuja, il fuit. Bo wanaanza kukimbia. Il laisse le travail. Banaacha na kazi. Ils vont chercher des abris. Bataenda kutafuta mafasi ya kufichama. Beaucoup aujourd'hui. Wengi siku ya leo. Tu as eu le travail. Uko na kazi ulipata kazi. Tu as fait même un test. Na ulifanya kwa mashindano. Peut-être c'est ton propre business. Zingine inakuwa ni business yako mwenyewe. Mais au lieu de rester dans le Seigneur. Ili ubakie katika Bwana. Tu vas chercher des abris. Tu vas chercher des choses. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que ça va garder le travail. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu es au marché. Tu vends les légumes. Et à côté de toi, il y a une autre personne qui vend les légumes. Alors comme lui aussi a les légumes. En tout cas, il faut que j'aille voir ce monsieur-là. Qu'il me fasse des choses pour que j'aie beaucoup de clients. Israël fuyait. Ils allaient dans des cavernes. Ils allaient dans des montagnes. Ce sont des montagnes. Vous voyez le type de montagnes avec des fentes. C'est là qu'ils allaient se cacher. Bien aimé, où est-ce que tu vas te cacher avec ton travail? Où est-ce que nous amenons le travail? Et quand nous avons cette position-là, c'est que nous laissons le travail à la merci de Matthieu. Ni kusema tunaacha tu kazi kwa mikono ya Matthieu. Tout ce qu'il peut faire. Wanaweza kufanya yote ile wanahitaji. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Gédéon avait compris. Gédéon aliweza kuelewa. Il a posé toutes les questions possibles. Aliweza kuuliza maulizo yote. Et il a dit. Lakini alisema. Maintenant. Kwa sasa. Il faut aller. Inafadhali kwenda. Pour que ces choses ne se répètent pas. Ili vibitu visipate tena kurudia. Chaque fois qu'il pouvait semer, wakati zote aliweza kuotesha, Matthieu devait venir pour arracher. Matthieu anaanza kula tena. Chaque kubeba. Fois que tu fais un business, wakati wote uko unafanya business, tu as toujours des choses que tu racontes. Uko na vitu bila uko nakutana navyo. Qui amène à la faillite. Inabidi kupeleka tena. Chaque fois que Matthieu que Israël semait, wakati zote Israël anaanza kuotesha, Matthieu et Amalek venaient. Matthieu na chaque fois que tu trouves un bon travail, il y a toujours une raison qui fait que tu puisses quitter ce travail. Tu es à toi bien. Mais tu arrives au travail. Tu deviens une autre personne. Alléluia. Amina. Et le travail. Na kazi. Inaisha. Il ne faut pas aller chez les bafoumou. Il ne faut pas aller chez les devins. Pour garder son travail. Je kuchunga kazi. Surtout nous les jeunes. Asasisi vijana. Il y a plusieurs qu'on demande d'entrer dans des loges. Kuko wengi weko na walomba wa de faire certaines pratiques. Mafanye kote na makalasisi maflani. Qui ne sont pas bonnes. Ile aitosha ina vizuri. Et aujourd'hui. Na leo hii. Tu peux tout faire. Unaweza kufanya yote. Mais pour quelle fin? Na mwisho wewe itakuwa nini? Bien aimé. Mpendwa, où est-ce que tu vas te cacher avec ton travail? Wapi kule utaenda kujificha na kazi yako? Je voulais que nous lisons ce livre. Nilipendelea tupate kusoma kwa hii somi. 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens wa pili. Le chapitre 3. Mstari wake wa 3, sura yake ya 3. Le désordre. Mufurugo. Vivre dans le désordre. Uishi katika mufurugo. Il ne faut pas vivre dans le désordre. Apana kuishi katika mufurugo. De Thessaloniciens, le chapitre 3. Thessaloniciens wa pili sura yake ya 3. Nous voulons lire le verset 10, 12, 14. Tutasoma mstari wake wa 10, wa 14. La Bible dit. Bible nasema. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. asikule naye vile vile. Le verset 12. Nous invitons ces gens-là. Tulialika wa watu wote. Nous les exhortons. Na turianza tena kwa fariji. Par le Seigneur Jésus-Christ. Kupitia Bwana Yesu Kristo. À manger quoi? Kwa kula nini? Leur propre pain. Mukate wao peke yao. En travaillant kwa kutumika visiblement. Nguvu tena. Bien-aimé, je ne peux pas aller manger le pain de papa Christian, non. Je veux kwenda kula mkate wa papa Christian pana. Je dois manger mon propre pain. Fazali ni kule mkate wangu peke yangu. Le fruit de mon travail. Matokeo ya kazi yangu. Bien-aimé, nous ne pouvons pas vivre. Wapenda tuwezi kuishi. Et compter sur le travail des autres. Na kuanza kutumainia mkate ya wengine. C'est-à-dire je vis. Je compte sur le travail de mon oncle. Non, parce que mon oncle travaille à 4CC. Donc notre vie, notre famille a changé. Non, on nous demande ici. Vous pouvez nous mettre le verset 6. Le verset 6. Regardez. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçu de nous. Mais il y a d'autres personnes, il a le travail. Mais tout ce qu'il gagne, yote le kunapata, il amène ça dans le désordre. E kunaipeleka katika mfurugo. Quand Dieu te bénit, wakati Mungu anakubariki, quand Dieu te donne de moyens, wakati Mungu anakubariki manamu, ce n'est pas pour le désordre. Aina tia mfurugo. Il y a des gens qui touchent seulement 1000 dollars. $1,000. Il disparaît pendant une semaine. Et quand c'est terminé, vous le voyez réapparaître. Alléluia. Amen. Les 10 francs que tu gagnes, bien-aimé, sache comment bien gérer cela. Ne vivons pas dans le désordre. Et la Bible dit, nous recommandons de sortir de ces bien-aimés-là qui vivent dans le désordre. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans le Seigneur, nous devons éviter de vivre le désordre. Tu es étudiant. Tout ce que tu peux gagner, capitalise cela. Tu as ton petit commerce. Tout ce que tu peux gagner, bien-aimé, capitalise cela. Vous savez ce qu'on appelle les courtes joies. Les courtes joies, c'est comme j'ai dit, tu as 1000 dollars. On t'appelle patron. Tu as ça, mais patron, tu donnes le boisson, tu payes. Et même instant, c'est fini. Tu redeviens la même personne que tu étais. Nous devons savoir saisir les opportunités. Des fois, Dieu donne des opportunités dans nos vies. Ou demain, ça sera difficile de les retrouver. Alors, il est très important, mon frère, ma soeur, de ne pas vivre dans le désordre. Ya kutokuishi katika mvurugo. À cause du temps, je crois que nous allons nous arrêter là. Nous allons nous tenir debout pour prier. Alléluia. Amina. Donc je dis, le travail kazi est combattu par des maladies. Il a pu confiter la magonchwa. Le travail Kasi est combattu par la paresse. Il n'a plus confié ton vivre. Le travail Kasi est combattu par des détournements ou des vols. Il n'a plus confié ton ouïe. Nous avons parlé de ce que le travail procure. Le travail procure le bien-être. Le travail procure le manger et le boire. Le travail procure un abri. Le travail procure l'indépendance, la richesse, l'abondance. Le travail procure la couronne. Nous avons dit, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Nous exerçons un travail. C'est que nous devons rester dans le Seigneur. Nous ne devons pas chercher d'autres abris. Nous ne devons pas chercher les bafoumous. Nous ne devons pas chercher les occultismes. Nous ne devons pas chercher des courtes joies. Mais nous devons travailler. Et travailler dur pour que demain nous soyons couronnés. Nous avons dit que nous devons éviter le désordre. Quand on travaille, il y a des sacrifices. Ce sont des moments de sacrifice. Alors nous voulons bien aimé prier. Je vais laisser ce moment. Le sujet de prière, tu les connais. Tu vas dire, Seigneur, tu connais le sujet. Tu vas prier par rapport à ce sujet. Par rapport à tout ce que nous avons dit. Est-ce que nous sommes dans une vie de désordre? Est-ce qu'un jour nous avons eu à consulter certaines choses? Cela n'engage que toi, ta relation avec le Seigneur. Mais ce moment, c'est un moment propice pour toi. Si tu dois bénir le Seigneur pour ce que tu fais avec le travail, bénis le Seigneur. Mais si pendant ce moment tu trouves que tu dois agir, bien aimé, prie que Dieu agisse dans ta vie. S'il y a des choses qui doivent changer, prie que des choses changent. Bien aimé, élève ta voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu refuses la vie de désordre. Tu refuses la vie de désordre. Na ba sais que mon rédempteur est vivant. Atana mbogo makala na yebi yo osa osa. Bien aimé, tu vas détruire les œuvres de Madian. Utaribu matendo yote ya Madian. Tu vas détruire les œuvres d'Amalek. Utaribu matendo yote ya Amalek. Et des fils de l'Orient. Na wana wote wa mashariki. Dans ton travail. Dans tes activités, qu'est-ce qui fait que les activités n'évoluent pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de bénéfices? Peut-être les paroles ont été dites sur ta famille pour dire que le travail n'évoluera jamais dans votre vie. Peut-être le travail ne peut pas marcher dans ta lignée. Alors j'ai besoin que tu puisses prier. Que tu puisses détruire les œuvres de Madian, les œuvres d'Amalek et les fils de l'Orient dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie et détruis les œuvres de Madian. Yeshua Osala Kabika moi. Yesu ya kona ye Yesu sale langa Yesu balobina nga zamba lola ye usala kabika mo Yesu ya kona ye zamba lola yayananga salelanga Yesu eh oh balobina nga Yesu eh osala kabika Yesu eh oh yangona ye je viens Seigneur avec une puissance surnaturelle Yema balobinanga ah Yesu eh osala kabika mo Yesu eh yango lelona ye yango na ye Yesu eh salelanga Yesu eh ah lokolo sala kinelia Papa yo kiti saki moto, lokolo sala kina mose, papa yo kabola kimai, lokolo sala kina ana, papa yo pesaka samwele, sala penanga yo, ah zambe, ah balobi nanga yawe, yesuwe, osalaka bikama, yesuwe. Bien-aimé, tu ne peux pas faire le travail pour que d'autres personnes puissent jurer de ce travail. Mais toi-même, tu n'en jouis pas. Alors tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, comme tout travail procure l'abondance, tu vas déclarer l'abondance dans ta vie. Tu vas dire, je vais manger les fruits de mon travail. Je vais jouir du fruit de mon travail. Tu vas le déclarer au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Tu fais les miracles dans tout travail, oh Dieu. Alors aujourd'hui, toi, Yesu salé langa Yesu oh balobinanga Yesu araba suka paya Yesu yango lelona ye yango na ye Yesu salé langa Yesu Bien-aimé, je vais nous demander de nous tenir debout. Nous voulons faire une déclaration de prière. Nous allons nous tenir debout. Bien-aimé, ton travail doit être caché. Il n'a pas ce qu'on fait. Là où l'atteigne. Ah, là où le quoi qui s'installe. Là où l'atteigne ne peut pas arriver. Ah, quoi qui s'installe, qu'est-ce qu'on fait? Ton travail. Kasi yako. Tes business. Biashara yako. Doivent être cachés. Il n'a pas ce qu'on fait. Là où l'atteigne ne peut pas atteindre. Ah, quoi qui s'installe, qu'est-ce qu'on fait?